Donc ça, c'est un verset, ce verset de Sourate Mohammed, c'est un verset qui prouve que les gens qui n'ont pas émigré, ils sont restés quand même musulmans, parce qu'Allah, il a dit à leur propos, s'il n'y avait pas eu, ça c'est à la prise de la Mecque, et c'est dans le Hudaybiyah, le pacte de l'Hudaybiyah, s'il n'y avait pas eu des hommes croyants et des femmes croyantes parmi les Mécois, ça veut dire ils n'ont pas émigré, que vous ne connaissez pas et que vous auriez pu piétiner sans le savoir, vous rendant ainsi coupable d'une action répréhensible. Tout cela est fait pour qu'Allah fasse entrer qui il veut dans sa miséricorde. D'accord? Donc Allah, il a épargné que le sang coule parce qu'il y avait des musulmans au milieu des mécréants à la Mecque. Ça, c'est dans Sourate 48, le verset 25. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. L'évidence concernant la hijra, l'immigration, dans la sunna du prophète sallam, dans le hadith, et dans la citation suivante du prophète sallam, la hijra ne cessera, l'immigration ne cessera que lorsque cessera le repentir, et le repentir ne cessera que lorsque le soleil se lèvera du côté de l'ouest. Ça veut dire la fin du monde. Hadith rapporté par l'imam Ahmed et Abu Daoud. D'accord? Et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam selon Qais ibn Hazim, selon Jarir ibn Abdillah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je me déclare innocent de tout musulman qui réside au milieu des associateurs. Anabari'um min kulli muslimin yuqimu bayna azhari al-mushrikin. Hadith rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi. Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se déclare innocent dans le cas où la personne, il quitte le pays où il y a la khilafa, où il y a les où la loi d'Allah s'applique sur lui, où il a fait le pacte d'allégeance avec le calife, et il le quitte pour aller au pays des kuffars, au pays des mécréants. Ce hadith-là, il s'applique sur lui. D'accord? Ce hadith-là s'applique sur lui. Que le prophète sallam se déclare innocent de cette personne qui quitte les musulmans, il quitte le groupe des musulmans, il quitte l'ambiance des musulmans, il quitte le gouvernement musulman pour aller vers chez les mécréants. Ce hadith-là s'applique sur lui. Mais maintenant, bon, la situation elle est assez compliquée et que chacun, selon ses moyens, s'il voit qu'il est en danger, s'il voit qu'il est en danger, que ses enfants sont en danger, il faut qu'il se prépare pour quitter, pour aller chercher un pays. Et bien sûr, il fait les moyens, il essaie de se renseigner et tout. Donc, s'il n'a pas les moyens, Allah subhanahu wa ta'ala, il le pardonne. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mais s'il a les moyens et tout, financiers et tout, et il reste quand même, il laisse ses enfants fêter les fêtes des koufars et étudier avec les mécréants, la mixité, avec toutes ce qu'ils propagent, avec toutes les fausses croyances qu'ils enseignent. Alors cette personne, il est en danger. Il est vraiment en danger. فَلَمَّا اسْتَقَرَّ بِالْمَدِينَةِ. Le sujet, il est assez vaste parce qu'il faut qu'on parle. C'est quoi l'état musulman? C'est quoi? Est-ce que l'État musulman, c'est l'État où gouvernent des gouverneurs musulmans, où s'applique la charia d'Allah, où l'État musulman veut dire que c'est un État à grande majorité musulmane, où on fait l'adhan et tout. Donc, pour parler de ce sujet, il faut évoquer, il faut parler aussi des États. Hein? État musulman, État de mécréance, et c'est un sujet vaste. Mais chacun selon ses moyens. Au moins la personne, il cherche une ambiance où il peut vivre en sécurité et où il peut appliquer sa religion en sécurité. D'accord? Quitte à manger un morceau de pain et boire du lait ou boire de l'eau chaque jour avec fierté, mieux que, comme a dit l'exemple d'un des émirs de l'Espagne. C'est à l'approche de la chute de l'Andalus, qu'on appelle l'Andalus. L'Andalus, quand les gens, les vizirs d'un émir, d'un gouverneur musulman, lui ont dit demande l'aide aux mécréants. Demande l'aide aux mécréants. il leur a dit, moi je vais demander l'aide de Youssef ibn Tashfin qui est au Maroc. Et quand on lui a reproché ceci, il a dit, garder un troupeau de chameaux mieux que de garder un troupeau de cochons. فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصلاة والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. Quand la résidence du prophète صلى الله عليه وسلم se stabilisa à Médine, il ordonna aux croyants la pratique obligatoire du reste de la législation islamique prescrite comme le paiement de la zakat, comme le paiement de la zakat et les autres, le paiement de la zakat, le ramadan, le jeûne du mois de ramadan, le hajj, le adhan, appel à la prière, le jihad, la lutte pour la cause d'Allah, jihad fi sabilillah, l'exhortation au bien et l'interdiction des actions mauvaises, illicites et blâmables, ainsi que d'autres lois islamiques. Donc quand il s'est établi à Médine, Allah subhanahu wa ta'ala révéla au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui demanda d'ordonner à sa communauté de donner le zakat, de faire pèlerinage, le jihad, etc. Et il a vécu akhada ala hada 10 sinin wa ba'daha tuwaffiya salawatullahi wa salamuhu alayh. Cette période dura 10 ans à Médine jusqu'à son décès, sallallahu alayhi wa sallam, et sa religion dure et durera toujours. Cette religion, l'islam, qui guide la communauté islamique vers tout ce qui est bon et la met en garde contre tout ce qui est mauvais. Contre tout ce qui est mauvais. Donc, sa religion dure et durera toujours. Il est mort, sallallahu alayhi wa sallam, le 12 Rabi' 1er, et c'était le lundi. C'était un lundi. Sa religion dure et durera toujours. Allah subhanahu wa ta'ala dit, inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. C'est nous en revanche qui faisons descendre le zikr, le Coran, aussi bien que nous qui en assurons la garde dans surat al-Hijr, surat 15, le verset 9. Et cette religion qui guide la communauté islamique vers tout ce qui est bon et la met en garde contre tout ce qui est mauvais. Il met en garde la communauté contre tout ce qui est mauvais. Et le bon qu'il prêche est l'unicité d'Allah, Tawhid, mais que tout ce qui, ainsi que tout ce qui plaît à Allah et le satisfait. Le mauvais duquel il a mis en garde la masse islamique est l'idolâtrie, le polythéisme, ainsi que tout ce qui déplaît à Allah subhanahu wa ta'ala et qui l'interdit. Donc, sallallahu alayhi wa sallam, il n'est. La révélation était complète et il n'a laissé rien qui nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala sans qu'il nous l'a recommandé. Il n'a rien laissé qui nous éloigne d'Allah sans qu'il nous l'a interdit, sallallahu alayhi wa sallam. Dans le hadith d'Abdullah ibn Amr rapporté par l'imam muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'y a pas eu de prophète avant moi qui n'ait été tenu d'indiquer à sa communauté ce qu'il savait être le meilleur pour eux. Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alayh ay yadulla ummatahu ala khayri ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum sharra ma ya'lamuhu lahum. Et il les met en garde contre le mal qui peut les toucher. D'accord? Donc le bien, c'était le tawhid et tout ce qui agrée à Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'Allah aime, et il a mis en garde contre tout ce qu'Allah déteste et tout ce qui déplaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il l'a envoyé à tous les êtres humains et les djinns aussi. Allah charge à Mohammed de la mission divine de propager et de prêcher l'islam à l'humanité entière et imposa à toutes ses créatures, les djinns et les humains, obéissance et complète soumission. L'évidence divine dans le Saint-Coran à ce sujet est dit aux gens, je suis le messager d'Allah à vous tous, dans surat 7 et le verset 158. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaykum jami'a. Donc Allah l'a envoyé aux humains et aux djinns. D'accord? Aux humains et aux djinns. Et la question maintenant, est-ce que tous les prophètes ont été envoyés aux djinns? Le plus sûr, c'est que les autres prophètes ont été envoyés aussi aux humains et aux djinns. Mais le prophète Salim a eu comme privilège qu'il a été envoyé à tout le monde, à tous les êtres humains et les djinns. Et chaque prophète a été envoyé à sa communauté, à sa propre communauté, comme Moussa et Issa envoyés à Bani Israël. Allah, il dit subhanahu wa ta'ala dans surat Al-Ahqaf, وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالَ أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. Ça, j'évoque le verset où c'est une preuve comme quoi les autres prophètes ont été envoyés aussi aux djinns. Allah dit, rappelle-toi, lorsque nous dirigeâmes vers toi une troupe de djinns pour qu'ils écoutent le Coran, quand ils assistèrent à sa lecture, ils dirent « Écoutez attentivement ». Puis quand ce fut terminé, ils retournèrent à leur peuple en avertisseur. قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. Ils dirent, ô notre peuple, nous venons d'entendre un livre qui a été descendu après Moussa, confirmant ce qui l'a précédé, il guide vers la vérité et vers un chemin droit. Surat 46, surat Al-Ahqaf, versets 29 et 30. Donc ça, c'est une preuve qu'ils connaissent Moussa, ils connaissent son message, et que les prophètes ont été envoyés aussi aux djinns. Mais est-ce qu'il y a des envoyés parmi les djinns? Est-ce qu'il y a des prophètes parmi les djinns? La réponse, parmi les humains, il y a des prophètes et des rasouls, des envoyés. Mais parmi les djinns, il y a ce qu'on appelle les nozor. Les avertisseurs, ça veut dire qu'ils prenaient des prophètes le message et le transmettaient. C'était des du'at, des prédicateurs. Mais il n'y avait pas de rasoul ni de nabi, prophète ou envoyé parmi les djinns. Ibn Abbas, radiallahu anhu, quand il a expliqué le verset suivant, nous n'avons envoyé avant toi que des hommes originaires des cités à qui nous avons fait des révélations. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. Ibn Abbas, il a dit que l'envoyé ne peut être ni une femme, ni un djinn, ni originaire de la campagne. Il a donné le dalil ce verset-là. Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا, que des hommes. Donc, ça exclut les femmes, ça exclut les djinns. Que des hommes originaires des cités, ça exclut les gens qui habitent les campagnes. D'accord? C'est des gens originaires des villes, des cités. Donc les prophètes, ne font partie ni des djinns, ne peuvent pas être des femmes, ni originaires des campagnes. Bien sûr, il y a un verset dans Sourate Al-An'am où Allah dit « Ô communauté des djinns et des humains, ne vous est-il pas venu des messagers choisis parmi vous qui vous ont raconté mes signes ?» Dans Sourate 6, le verset 130. Là, ce verset il nous fait croire que les djinns peuvent être aussi des messagers. Parce qu'Allah il dit « Ya ma'ashara al-djinn wa al-ins, ô communauté des djinns et des humains, alam ya'tikum rasulun minkum. » Ne vous est-il pas venu des messagers choisis parmi vous, qui vous ont raconté mes signes, yaqussuna alaykum ayati. Ça ne veut pas dire que les messagers font partie des djinns, mais ils font partie du groupe des djinns et des humains, mais ils font partie spécialement des humains. D'accord? À tout le monde, Allah l'a envoyé à tout le monde, aux gens de la terre, jusqu'au jour de la résurrection. Depuis qu'il a reçu la révélation jusqu'au jour de la résurrection, génération après génération, Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé à eux. Et celui qui ne croit pas à ça, il est soit mécréant, soit ignorant. D'accord? Parce que les juifs, ils prétendent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un vrai prophète, jusqu'à maintenant. Il y a des juifs, ils disent, oui, Muhammad, il est Nabi Allah, il est Rasoul Allah. Ils le disent. Mais il n'est pas envoyé à nous, il est envoyé aux Arabes. D'accord? Et celui qui prétend ceci, il est mécréant. Ou bien, il ignore, le hukm il ignore, il faut qu'on lui montre la vérité. وَأَكْمَلَ اللَّهُ بِهِ الدِّينَ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا. Le Cheikh Rahimahullah, il dit par lui Allah a complété sa religion à son ultime perfection. Il dit subhanahu wa ta'ala, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion, parfait pour vous mon bienfait, en agréant pour vous l'islam comme religion, dans sourate 5 et le verset 3. Donc ce verset ferme la porte à toute innovation, que la religion est complète et que le prophète sallam n'a rien laissé de choses qui nous rapprochent d'Allah sans qu'il nous l'ait nous l'a recommandé. Il n'a rien laissé de choses qui nous éloignent d'Allah subhanahu wa ta'ala, de son agrément, sans qu'il nous l'ait interdit. D'accord ? Il nous a mis en garde. Donc, religion complète. Il n'a pas besoin d'ajout, il n'a pas besoin de philosophie, il n'a pas besoin de qu'elle soit complétée par d'autres choses. D'accord ? Ce verset, il ferme la porte à toute innovation. L'imam Malik, rahimahullah, il disait que celui qui ajoute, qui instaure une innovation dans la religion, c'est comme s'il prétend que l'envoyé d'Allah a trahi le message. S'il fait une adoration, il dit aux gens, allez, c'est une bonne adoration, ça c'est une bonne adoration. Il sort une adoration, il dit, il appelle les musulmans, cette adoration, ça vous rapproche d'Allah, ça vous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, faites-la. Fêtez la naissance du prophète, ou faites les tasbih tous les vendredis soirs, etc. Quelque chose que le prophète sallam n'a pas légiféré. Et qu'est-ce qu'il prétend? C'est comme s'il prétend que le prophète sallam a trahi le message. Parce que le prophète sallam n'a pas transmis, n'a pas appris, n'a pas enseigné à sa communauté cette adoration que ce cheikh est en train de propager. D'accord? C'est comme s'il prétend que le prophète sallam a trahi. Il a caché quelque chose. Il a caché quelque chose qui nous rapproche d'Allah. Il les a cachés. Comme dit l'imam Malik. A trahi le message car Allah a dit Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous ma religion, votre religion. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Parfait pour vous mon bienfait. Wa raditu lakum l'islam adina. Et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Et il dit, rahimahullah, ce qui ne fait pas partie de la religion à son époque ne peut aujourd'hui en faire partie. فما لم يكن يوم إذن دينا فلا يمكن أن يكون اليوم دينا. Donc l'innovateur, comme j'ai dit, le verset a fermé la porte à toute innovation, à toute bid'a. Et l'innovateur, il tombe quand il innove, quand il ajoute une adoration qu'Allah et son envoyé n'ont pas légiféré, il tombe dans des choses répréhensibles suivantes. C'est qu'il prétend que le prophète sallam a trahi, même s'il ne le dit pas, mais son acte le prouve. C'est qu'il prétend que la religion est incomplète et il est en train de la compléter avec les innovations. Et troisième chose, c'est qu'il a légiféré, sharra, il a instauré une adoration, une innovation. Et s'il l'instaure et il appelle les gens à l'appliquer et il impose aux gens, dans ce cas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rivalisé avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui dit dans le Saint-Coran, Am lahum suraka, shara'u lahum min ad-dini, ma lam ya'zan bihi Allah. Ou bien aurait-il des associés à Allah qui auraient établi pour eux des lois religieuses qu'Allah n'a jamais permises? Dans Sourate 42, le verset 21, dans Sourate Shura, il ajoute une adoration, il dit faites-la, c'est wajib de le faire. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? De donner des lois et de rivaliser avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et en général, les innovateurs, ils utilisent la raison, c'est pas la raison, la vraie raison, mais ils utilisent sa raison à lui, dans le jugement de ce qui est bon et ce qui est mauvais. Tahsin wa taqbih. Pour lui, la raison prime sur la religion. Mais alors, la raison ne peut être juge indépendamment de la religion. La raison ne peut être juge, c'est une condition que l'être humain soit assujetti, elle est nécessaire, mais elle ne peut pas être seul juge. C'est la révélation qui est le seul juge. D'accord ? Et il n'y a pas de contradiction entre la raison et l'islam et la religion. D'accord ? Ta'arud al-aql wa al-naql, comme a dit Ibn Taymiyyah. Il a même écrit un ouvrage là-dessus qu'il a dit qu'il n'y a pas de contradiction entre l'aql, la raison, et la religion. Et l'innovateur, il tombe aussi dans la chose répréhensible suivante, c'est qu'il ne se soumet pas à l'ordre d'Allah. Parce qu'en général, les innovateurs, ils adoptent des règles. Ils adoptent une règle d'abord. Et puis, qu'est-ce qu'il fait ? Il admet cette règle. Il dit, mon cher, il a instauré cette règle, je la prends. Il la prend comme une obligation. Et qu'est-ce qu'il fait ? Et après, il cherche dans le Coran et dans la Sunna des textes qui approuvent sa règle à lui. D'accord ? Il fait une innovation, il dit, mais il y a le délil dans le Coran, ouvre le Coran, et il donne, et il essaie de tordre le cou de certains textes pour que ça soit conforme à ce qu'il fait, pour que ça soit conforme à son innovation à lui. Alors que les gens de la Sunna, ils se soumettent au texte. Ils se soumettent au texte. Ils ne s'établissent pas des slogans, ni des chiffres. Vous allez remarquer, dans les sectes égarées, tous, ils ont des slogans et des imams. Si tu touches à cet imam, tu es leur ennemi. D'accord ? Ils se prennent des ennemis et ils s'allient pour défendre cet imam et pour défendre ce slogan-là. Ils ont des codes. Tant que tu ne rentres pas, tant que tu ne connais pas ces codes-là, et tu ne rentres pas dans leur cercle, et tu admis ces règles-là, tu ne feras jamais partie d'eux. Il y a toujours un obstacle. Même dans le comportement, dans la vie quotidienne, il y aura toujours un obstacle entre l'innovateur et la personne qui suit la sunna et les autres. C'est une secte. Il a des règles. Il a adopté des règles. Voilà. Il te pose les questions sur ces règles. Qu'est-ce que tu penses de ce shirk ? Qu'est-ce que tu penses de ces règles-là ? Tu dis, c'est bien. Il te dit, mon frère, il te sert. Hein ? D'accord ? Mais quelle est la règle ? Quelle est la chose qui nous réunit ? La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ah ! L'alliance et le désaveu, c'est pour défendre cette formule. On s'allie, on se regroupe autour de la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. On ne prend pas un imam et qu'on le met au-dessus de nous et qu'on doit lui obéir malgré la désobéissance d'Allah. Non. Même l'imam Malik, même Abu Hanifa, même l'imam Ahmed, même Shafi'i, même les grands imams, même les derniers, les meilleurs, s'ils contredisent la sunna du prophète, on dit qu'ils se sont trompés et que voilà la vérité. D'accord ? On ne prend pas des slogans, on ne prend pas des imams comme signe de notre voix. C'est le prophète, nata'assab lil-haq, on s'entête pour défendre la vérité. On a ta'assab les rasoulillah sallallahu alayhi wa sallam. D'accord ? Lui, le modèle à suivre, sallallahu alayhi wa sallam. Et ni à notre cheikh, ni à notre imam. D'accord ? Et on respecte les compagnons, et on les aime, et on les agrée, et on aime les savants, et on est une communauté de juste mesure, et on est de toute miséricorde envers les gens. Ça, aqidat al-sunnah al-jama'a, les gens de la sunnah. Et ils sont justes. Et ils sont justes, d'accord ? C'est pas à cause d'une simple erreur, on excommunie la personne, ou on excommunie le savant, ou on le jette de toutes les on lui attribue les étiquettes, les défauts, etc. D'accord ? S'il se trompe, on dit, cher, il s'est trompé dans ça, et il a raison dans ça. On est toute justice. D'accord ? Ça, c'est, si vous voulez, la cinquième chose répréhensible. Il y a d'autres. D'accord ? Et il n'existe pas dans la religion de l'islam, de bonne innovation, de bid'a hasana. Ça n'existe pas dans la religion de l'islam. Si quelqu'un te dit, c'est une bonne innovation, il dit hasana, vous lui dites ce terme hasana, bonne. C'est par ta raison ou c'est Allah et son prophète qui jugent qu'elle est bonne. S'il te dit par sa raison, il est tombé dans l'innovation. Parce que la raison n'est pas le seul juge. S'il te dit que c'est Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont jugé qu'elle est bonne, dans ce cas, on ne l'appelle pas bid'ah, on l'appelle sunnah. D'accord? Donc ça n'existe pas de bonne innovation. D'accord? Il y a le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur lequel se basent certains innovateurs. Ils disent qu'il y a bid'a hasana, bid'a sayi'a, ou il y a une sunna hasana et sunna sayi'a. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit celui qui sanna une bonne sunna en islam a sa récompense et celle de tous ceux qui agissent selon elle après lui. Hadith de muslim. Sanna dans le hadith, celui qui sanna, le verbe entre parenthèses, sanna, une bonne sunna. Ils disent donc qu'il existe une bonne sunna et une mauvaise sunna. D'accord? Mais le hadith là, comment connaître déjà, comment comprendre le sens du terme sanna? Est-ce que c'est institué ou c'est innové ou restitué ou ressuscité ou c'est quoi le terme sanna? Hein? Il faut revenir au hadith de Abi Amr, Jarir ibn Abdullah radiyallahu anhu, qui dit kunna fi sadr an-nahar 'inda Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Selon Jarir ibn Abdullah, hadith rapporté par Muslim, il a dit nous étions au beau milieu de la journée chez l'envoyé d'Allah. Faja'ahu qawmun 'uratun mujtabin nimar aw al-'aba' mutaqallid as-suyuf 'ammatuhum min mudar bal aktharuhum min mudar. Quand vinrent à lui des gens n'ayant pour vêtements qu'une couverture de laine, ayant un trou par où passer leur tête, ils portaient des sabres en bandoulière, et la plupart d'entre eux, ou plutôt tous, étaient de la tribu de Modar. Fatama'ara Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lima ra'a alayhim min al-faqa, ou lima ra'a bihim min al-faqa. Le mécontentement parut alors sur le visage de l'envoyé d'Allah du fait de leur pauvreté extrême. Fadakhala thumma kharaj, il entra chez lui, puis en sortit. Fa amara Bilal fa azzana wa aqam, il ordonna Bilal de faire les deux appels de la prière. Fa salla thumma khatab, il récita sallallahu alayhi wa sallam, il dirigea la prière. Fa salla thumma, puis fit le discours, le discours suivant, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam récita le premier verset de sourate les femmes, ya ayyuhan nasu taqoo rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida, ô homme craignez votre seigneur qui vous a créé d'un seul être. Et il a récité le verset ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah, ô vous qui avez cru, craignez Allah que chaque âme voit bien ce qu'elle avance pour demain, dans sourate al-hashr, sourate 59. Ou surat al-Hashr, plutôt le verset, oui, surat 59, le verset 18. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Tasaddaqa rajulun min dinare, min dirhame, min sa'i burre, min sa'i tamre, hatta qala sallallahu alayhi wa sallam walaw bi shiqqi tamra. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam, un homme a fait aumône de son dinar. Ça veut dire qu'il les pousse à donner. Hein? Il dit un homme a fait aumône de son dinar, de son dirham, de ses vêtements, de sa poignée de blé, de sa poignée de dette, de date, jusqu'à dire, sallallahu alayhi wa sallam, même d'un morceau de date. Même d'un morceau de date. Et il dit, le rapporteur, qui est Jarir ibn Abdullah radiallahu anhu, il dit, faja'a rajul min al-ansari, bi surratin kadat, kaffuhu ta'jizu anha, bal qad ajizat. Quelqu'un parmi les ansars, les auxiliaires, ceux qui vivaient à Médine, apporta une bourse qui faillit remplir, qui était lourde, et il la ramena jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il la ramena, puis les gens, quand ils virent cette personne ramener cette bourse pleine de vêtements ou de blé, Allahu a'lam, les gens défilèrent quand ils le virent, et ils suivirent son acte. Ça veut dire ils l'ont pris comme modèle, et aussi ils ont couru chez eux, ils ont ramené de l'aumône. ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب. Puis les gens défilèrent avec leur aumône, si bien que je vis deux tas d'aliments et de vêtements, et je vis alors le visage de l'envoyé d'Allah resplendir de joie. حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم et le prophète صلى الله عليه وسلم il dit celui qui toujours je garde entre parenthèses ce verbe celui je garde en arabe celui qui sanna une bonne sunna d'accord à sa récompense et celle de tous ceux qui agissent selon elle après lui de même que celui qui sanna en islam une mauvaise sunna en supporte le péché ainsi que celui de tous ceux qui agissent après lui selon cette sunna sans rien diminuer de leur propre péché d'accord celui qui sanna man sanna sunnatan hasana donc cette personne qu'est-ce qu'il a fait il a ramené une bourse un sac plein de nourriture ou de vêtements le premier il a fait il a ramené donc sanna sunnatan hasana il a fait quoi il a ressuscité il a instauré d'accord donc il a suivi qui a jugé que c'est bon que c'est une bonne sunna qui a jugé que c'est une bonne sunna c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a recommandé qu'on donne l'aumône quand il a dit tasaddaqa rajulun bi dinari un homme a donné aumône de son dinar c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc cette personne a ressuscité a obéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam et a fait cette sunna qui est bonne à savoir ramener donner l'aumône donc lui il a donné il a ressuscité quelque chose qui n'existait pas qui était morte entre temps si vous voulez d'accord le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu les gens dans la pauvreté extrême et aucun compagnon n'a réagi d'accord donc quand il a dit tasaddaqa rajul bi dinar wa bi dirham une personne a donné au monde de son dinar de son dirham la personne qui fait partie de l'ansar il a couru chez lui il est revenu avec le sac donc il a c'est comme s'il a refait vivre cette sunna qui a été auparavant légiférée recommandée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'accord donc il a ressuscité sanna sunnatan hasana d'accord donc c'est une sunna parce que les gens les autres vont le prendre comme modèle d'accord il a fait une sunna et les autres défilèrent après lui quand ils l'ont vu agir eux l'ont suivi donc il a ressuscité une bonne sunna et qui juge que c'est une bonne sunna c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est pas d'ajouter une innovation de traîner tous les gens dans cette innovation dans l'égarement de dire j'ai fait une bonne sunna et voilà le hadith il s'applique sur moi d'accord de même celui qui institue ou qui ressuscite une mauvaise voie sunna ça veut dire aussi voie en supporte le péché ainsi que celui de tous ceux qui agissent après lui selon cette voie sans rien diminuer de leur propre péché donc lui il portera sur son dos tout le péché des autres et eux aussi ils garderont leur péché sur l'autre